Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, les éditions Dammage ont le plaisir de vous présenter une compilation de sourates et de versets du noble Coran et récitée par le frère de mérite Hamza As-Senerali, rahimahullahu ta'ala, ancien étudiant du centre d'études islamiques Darul Hadith de Dammage et mort en martyr pour sa sauvegarde, suivi de la traduction de leur sens en langue française par le frère Wahbi At-Tunisi. Nous demandons à Allah Azza wa Jal que ce travail soit profitable à l'islam ainsi qu'aux muslimoun. Première sourate, Al-Fatiha. Louange à Allah, Seigneur de l'univers, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Maître du jour de la rétribution. C'est toi seul que nous adorons, et c'est toi seul dont nous implorons le secours. Guide-nous vers le chemin droit. Le chemin de ceux que tu as comblés de faveur, non pas celui de ceux qui ont encouru ta colère, ni celui des égarés. Surat numéro 2, Al-Baqara, versets 238 et 239. Soyez assidus dans vos prières. Soyez assidus dans vos prières, surtout la prière médiane. Soyez assidus dans vos prières, surtout la prière médiane, et tenez-vous debout devant Allah avec humilité. Mais si vous craignez un quelconque danger, alors priez en marchant ou sur vos montures. Puis quand vous êtes en sécurité, invoquez alors Allah. Invoquez alors Allah comme il vous a enseigné ce que vous ne saviez pas. Surat numéro 4, An-Nisa, verset 108. Ils cherchent à se cacher des gens. Ils cherchent à se cacher des gens, mais ils ne cherchent pas à se cacher d'Allah. Or, il est avec eux quand ils tiennent la nuit des paroles qu'ils n'agréent pas. Et Allah ne cesse de cerner ce qu'il manigance par sa science. Surat numéro 19, Maryam, versets 59 à 87. Puis des générations leur succédèrent qui délaissèrent la prière. Qui délaissèrent la prière et suivirent leurs passions. Ceux-là goûteront bientôt au châtiment. « excepté celui qui se sera repenti, aura cru et accompli de bonnes œuvres, cela. Ceux-là entreront dans le paradis et ils ne seront point lésés. Ils entreront dans des jardins que le Tout Miséricordieux a promis à ses serviteurs qui auront cru à l'inconnaissable et au mystère, car sa promesse arrivera sans nul doute. Ils n'y entendront nulle parole futile, mais seulement salam. Et ils jouiront là-bas de toutes sortes de nourritures, matin et soir. Voilà le paradis dont nous ferons hériter ceux parmi nos serviteurs qui auront été pieux. Et l'ange Jibril dit, nous ne descendons que sur l'ordre de ton Seigneur. À lui, tout ce qui est devant nous, tout ce qui est derrière nous et tout ce qui est entre les deux. Et ton Seigneur n'oublie rien. Il est le Seigneur des cieux et de la terre et de tout ce qui est entre eux. Adore-le donc et sois constant dans son adoration. Lui connais-tu un égal? Et l'homme dit, une fois mort, serais-je ressuscité vivant? L'homme ne se rappelle-t-il donc pas que c'est nous qui l'avons créé auparavant alors qu'il n'était rien? Par ton Seigneur, nous les ressusciterons assurément tous et les rassemblerons. Nous les ressusciterons assurément tous et les rassemblerons eux et les diables. Puis nous les placerons autour de l'enfer, agenouillés. Ensuite, nous arracherons de chaque groupe ceux d'entre eux qui étaient les plus obstinés contre le Tout Miséricordieux. Et nous savons mieux que quiconque qui d'entre eux mérite le plus d'y être brûlé. Et il n'y a personne parmi vous qui ne passera pas par l'enfer. Car il s'agit là pour ton Seigneur d'une sentence irrévocable. Ensuite, nous délivrerons ceux qui étaient pieux. Et nous y laisserons les injustes. Et nous y laisserons les injustes agenouillés. Et lorsque nos versets évidents leur sont récités, les mécréants disent aux croyants, lesquels ont-ils la meilleure situation et la plus confortable sur terre, nous ou vous? Combien de générations avant eux avons-nous fait périr? Combien de générations avant eux avons-nous fait périr, qui étaient bien supérieurs à eux en bien et en apparence? Dis que ceux qui sont dans l'égarement leur soient prolongés leur vie pour un certain temps par le tout miséricordieux. Jusqu'à ce qu'ils voient ce qui leur a été promis. Jusqu'à ce qu'ils voient ce qui leur a été promis, soit le châtiment, ou soit l'heure de la fin des temps. Alors ils sauront à ce moment qui auront la pire situation et seront les plus faibles. Et quant aux gens bien guidés, Allah leur ajoute de la rectitude. Et les bonnes œuvres qui durent ont une meilleure récompense auprès de ton Seigneur et une meilleure destination. As-tu vu celui qui ne croit pas à nos versets et qui dit « J'aurai certainement des biens et des enfants » Connaît-il l'avenir ? Connaît-il l'avenir ou a-t-il pris un engagement avec le tout miséricordieux? Eh bien non. Nous allons certainement enregistrer ce qu'il dit. Et accroîtront grandement son châtiment. Et nous lui retirerons ce dont il lui aura été fait don comme bien et progéniture, tandis qu'il viendra à nous seuls. Et ils ont adopté des divinités en dehors d'Allah, afin que celles-ci les protègent et intercèdent en leur faveur le jour du jugement dernier. Bien au contraire, ces divinités les renieront, ainsi que les adorations qu'ils leur vouaient, et seront plutôt pour eux des adversaires. Ne vois-tu pas que nous avons envoyé contre les mécréants des diables, qui les excitent furieusement à désobéir à Allah? Ne te hâte donc pas contre eux. Nous comptabilisons assurément les actes de manière très précise. Le jour où nous rassemblerons les pieux sur des montures et en grande pompe auprès du tout miséricordieux, et que nous pousserons les criminels, et que nous pousserons les criminels vers l'enfer, tel un troupeau que l'on conduit à l'abreuvoir. On intercédera en faveur de personne. On intercédera en faveur de personne, excepté celui qui aura pris un engagement avec le tout miséricordieux. Walhamdulillahi Rabbil Alameen.